23e chapitre. Fin martiale d'Alexis. D'ailleurs, n'ayant plus ma redingote neuve et mes pantalons neufs, j'eus un double motif de rester à la maison et le travail s'en ressentit. Puis je me dis, le pauvre Alexis croit qu'il me sert gratis. Il est trop juste que son orgueil soit satisfait, son intérêt étant lésé. J'ai souligné le mot « croit », car j'espère que vous n'avez pas supposé un instant, cher lecteur, qu'Alexis me servait gratis. Je voulais voir quelle différence il y avait entre Alexis touchant 30 francs par mois et Alexis me servant gratis. Je dois lui rendre cette justice de dire qu'il n'y en avait aucune. Mais je comptais, à un moment donné, faire à Alexis un rappel, comme on dit en matière de bureaucratie. Maintenant, vous savez, ou vous ne savez pas, que le 7 décembre 1852, je partis pour Bruxelles. Alexis me suivit. Je descendis à l'hôtel de l'Europe. Là, j'avais tous les garçons de l'hôtel pour faire mon service. Ce fut ce qui perdit Alexis. Je connaissais Bruxelles et n'avais aucune curiosité pour la ville. Je me mis donc au travail, à peine débarqué. Mais Alexis ne connaissait pas la ville et désirait la connaître. Il en résulta que, n'ayant rien à faire, il fit des études comparatives sur la langue française, la langue belge et la langue créole. Au milieu de ses études, il me vint l'idée, au lieu de rester à l'hôtel, de louer et de meubler une petite maison. Je louai et je meublai une petite maison. Or, il arriva ceci, que lorsque j'entrai dans la petite maison que je venais de louer, Alexis avait contracté un tel besoin de continuer ses études qu'il sortait à 8 heures du matin, rentrait à 11 pour déjeuner, ressortait à midi, rentrait à 6 heures, ressortait à 7 et rentrait à minuit. Si bien qu'un jour, je l'attendis à une de ses rentrées et lui dis « Alexis, je vais t'annoncer une nouvelle qui te fera plaisir. Mon garçon, je viens d'engager un domestique pour nous servir. Seulement, ne l'emmène pas avec toi quand tu sors. » Alexis me regarda avec ses gros yeux, où il n'y avait pas un grain de méchanceté. « Je vois bien, dit-il, que monsieur me renvoie. » « Remarque bien, Alexis, que je n'ai pas dit un mot de cela. Au fait, j'avoue une chose. Laquelle, Alexis? C'est que je reconnais moi-même que je ne fais pas l'affaire de monsieur. Si tu le reconnais, Alexis, je suis trop bon maître pour te démentir. Et puis, ma résolution est prise. » C'est déjà beaucoup d'avoir pris une résolution. Décidément, monsieur, ma vocation est d'être soldat. Je te répondrai comme Louis-Philippe à monsieur Dupin. Je le pensais comme vous, mon cher monsieur, seulement je n'osais pas vous le dire. Quand monsieur veut-il que je parte? Fixe ton départ toi-même, Alexis. Aussitôt que monsieur m'aura donné de quoi faire mon voyage. Voici 50 francs. Combien la place pour Paris, monsieur? 25 francs, Alexis, car je présume que tu t'en iras pas en première. Oh, non, bien certainement. Il me restera donc 25 francs. Il te restera bien plus que cela, Alexis. Combien me restera-t-il donc? Il te restera 450 francs plus 25 francs, total 475 francs. Je ne comprends pas, monsieur. Tu me sers depuis 15 mois. 15 mois à 30 francs font juste 450 francs. Mais, dit Alexis rougissant sous sa couche de noir, je croyais que je servais monsieur pour rien. Eh bien, tu te trompais, Alexis. C'était un moyen de te faire une caisse d'épargne. Si tu veux t'en aller à pied et acheter de la rente avec les 475 francs que tu possèdes, tu as 23 francs 75 centimes de revenus. Et monsieur va me donner 475 francs? Sans doute. Cela ne se peut pas. Comment cela ne se peut pas, Alexis? Non, monsieur, car enfin, puisque monsieur ne me devait rien, même quand je l'aurais bien servi, pour l'avoir mal servi, monsieur ne peut pas me devoir 475 francs. » C'est cependant comme cela, Alexis. Seulement, je te préviens que les lois belges sont très sévères et que si tu refuses, je puis te forcer. Je ne voudrais pas faire un procès à monsieur, bien certainement. Je sais que monsieur ne les aime pas. Alors, fais des concessions, Alexis. Prends tes 475 francs. Je proposerai un arrangement à monsieur. Lequel? Voyons, Alexis, je ne demande pas mieux que de nous arranger. Si monsieur me donne les 475 francs d'un coup, je les dépenserai d'un coup. C'est probable. Tandis qu'au contraire, si monsieur a la bonté de me donner une autorisation de toucher 50 francs par mois sur monsieur Cadeau, son éditeur, cela va, Alexis. J'en aurai pour 8 mois à vivre comme un prince et le 9e mois, avec les 75 francs restants, je m'engagerai. Sapristi, Alexis, je ne te savais pas si fort en économie politique. Je donnais à Alexis 25 francs argent pour payer sa place et une délégation sur Cadeau. Après quoi, il me demanda ma bénédiction et partit pour Paris. Pendant 8 mois, on ne vit qu'Alexis sur les boulevards, où il était connu sous le nom du prince noir. Puis, le 9e mois, comme il l'avait résolu, il s'engagea. Hâtons-nous de dire que, cette fois, Alexis avait trouvé sa véritable vocation, comme l'indique la lettre suivante, que je reçus de lui 2 ans après son départ. Monsieur et cher maître, la présente est pour m'informer d'abord de votre santé, et ensuite pour vous dire que je ne suis, on ne peut plus, satisfait. J'ai fait de grands progrès dans les armes, et je viens d'être reçu prévôt de Salles. Il n'est pas que monsieur sache que, lorsqu'on obtient ce grade, il est d'habitude que l'on traite les camarades. Je connais monsieur, et ne lui dis que cela. Il est d'habitude que l'on traite les camarades. Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments éternels d'affection et de reconnaissance. Alexis. Alexis traita ses camarades. Je ne veux pas vous dire qu'il leur donna le festin de Trimalcion ou le dîner de Monte Cristo, mais enfin, il les traita. Alexis jouit aujourd'hui de l'amitié de ses camarades et de l'estime de ses chefs, auxquels je le recommande comme le plus honnête et le meilleur cœur que je connaisse. Par malheur, il y a une chose qui s'opposera toujours à l'avancement d'Alexis. C'est qu'il ne sait ni lire ni écrire. Autrefois, l'empereur avait créé pour les braves, dans sa position, un grade tout particulier dans lequel il n'était pas besoin de littérature. Il les faisait garde du drapeau, c'était leur bâton de maréchal. Voilà, cher lecteur, l'histoire d'Alexis. Maintenant, revenons au second Auvergnat et à son second change.